chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. Profitez du prix employé jusqu'au 2 octobre sur le F-150. De plus, profitez d'un rabais de 1 000 $ supplémentaires si vous êtes membre Costco. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford souligne l'importance d'acheter localement pour soutenir notre économie. Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous offre depuis peu le café de marque Nestlé Alegria, un café de très grande qualité. En plus de ce café, nous avons une carte de déjeuner offerte à tous les tarifs. Le restaurant Midas, 1069 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est vital pour préserver notre économie. On va parler de la nouvelle équipe de Dolbeau-Mistassini dans la Ligue senior du Lac-au-Fleuve. Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de questions. On a déjà vu sur les médias sociaux qui va être derrière, qui va être le coach, qui est derrière cette organisation-là. Cet été, j'ai fait une entrevue avec Billy Ménard, qui va être le joueur, mais à l'époque que j'ai fait l'entrevue avec Billy, il n'y avait pas vraiment de conseil d'administration formé. C'était vraiment au premier balbutiement. Mais ce matin, on vous annonce officiellement qui est dans le conseil d'administration, qui est l'entraîneur, le nom de l'équipe et ainsi de suite. Et avec moi, j'ai le vice-président de l'équipe du Lac-au-Fleuve. Donc, on va connaître le nom dans quelques secondes. Et également, il est aussi responsable des communications. Vous le connaissez bien, c'est Dave Bouillant. Salut, Dave. Salut, Danny. Ça va? Ça va bien. Dave, première question, et j'avais hâte de savoir le nom de l'équipe. Donc, le nom de l'équipe, ça s'est réglé... En début de semaine, on a trouvé le commanditaire majeur qui va donner son nom à l'équipe et avoir son logo sur le chandail. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui spéculaient là, sur Internet. Ça va être, l'équipe va porter le nom de Jean Dumas, multiconcessionnaire Lac-Saint-Jean. Ah, ben c'est bon. Monsieur Dumas est par le fait même le commanditaire majeur de l'équipe. Donc, Jean Dumas, multiconcessionnaire Lac-Saint-Jean. C'est ça? Oui. OK. Oui. Donc, ça, c'est pas surprenant parce que l'équipe, écoute, moi, je me rappelle, danradiosport.com a été créé pour le multiconcessionnaire de Saint-Félicien Dolbeau-Mistassini. Donc, à l'époque, Junior 3, c'est strictement pour ça que je l'avais créé ça. Et on spéculait beaucoup. Beaucoup de monde pensait que ça allait être Construction Bonneau parce que Sylvain Bonneau fait partie de l'organisation. Mais c'est très logique, le nom de Jean Dumas, multiconcessionnaire. Oui, on sait que M. Dumas est un homme d'affaires très impliqué dans beaucoup de milieux, plus particulièrement au niveau du hockey. C'est lui-même un amateur de hockey. Okay. Donc, ça lui a fait plaisir d'embarquer pour la première année avec cette nouvelle équipe. OK. Donc, maintenant, du côté, ensuite de ça, l'entraîneur-chef. Bon, l'entraîneur-chef aussi, il y a eu des spéculations là-dessus, mais je pense que le monde avait visé juste. C'est un homme qui a été très senti là, depuis le début. Ça va être Gérald Leclerc. Oui, OK. L'entraîneur-chef. OK. Jean Dumas multiconcessionnaire. Gérald, ben, le monde du sport le connaît. Il a coaché les Éperviers juniors à Normandin. C'est un sportif dans l'âme. Et on croit fermement que c'était l'homme de la situation. Dans le coin-ci, là, il y a peu de techniciens d'hockey comme M. Leclerc peut l'être. Okay. Et il va être bien entouré. Fait qu'on est convaincu qu'il va faire un beau travail. OK. Donc, le président de l'équipe maintenant. Le conseil d'administration, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Oui, c'est M. Billy Ménard et M. Nau, deux joueurs en l'occurrence, qui avaient starté le dossier, okay. Qui ont approché Sylvain Bonneau et Nicole Villeneuve, puisque les joueurs eux-mêmes voulaient jouer, voulaient qu'il y ait une ligue senior pour eux, ouais. Ce qui ont approché des gens en mesure de starter cette ligue-là. Okay. Autour de Sylvain Bonneau et de Nicole Villeneuve, s'est greffé des personnes par la suite pour former le CA. Donc, le président de l'équipe, ça va être M. Dave Girard. Moi, je vais être à la vice-présidence et j'occupe des communications. OK. Comme j'ai dit tout à l'heure, la gérante va être Mme Nicole Villeneuve avec l'assistant-gérant, M. Camille Boulian. OK. Nous avons comme gouverneur M. Yves Gagnon Vice-président hockey, on a Gilles Girard et M. Luc Tremblay. OK. Le trésorière, Mme Manon Poulin. Secrétaire, Mme Lise Simard. Et comme directeur, M. Hermel Bugeaud et Martin Guillemette. OK. Ça, c'est Martin... bon, c'est... Évidemment, vous n'avez pas entendu le nom de Sylvain Bonneau dans le... Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas entendu le nom de Sylvain Bonneau comme, avec un poste au CA. C'est que M. Bonneau a accepté la demande de M. Leclerc pour être son instructeur adjoint. OK, OK. Sur le nom, on va voir M. Gérald Leclerc et Sylvain Bonneau. OK. Maintenant, les matchs vont se jouer où? Les matchs vont se jouer à l'aréna de Dolbeau. On sait donc qu'il y avait eu possibilité que ce soit à Nistocini. Pour une question hockey, okay. C'était préférable de jouer à Dolbeau là, pour la dimension de la glace et pour plein de points. Là. Donc, c'est réglé. Les matchs vont jouer à l'aréna du secteur de Dolbeau. OK. Maintenant, donc, c'est un match le samedi soir. Pourquoi le samedi soir? Moi, c'est une question que je me posais. Pourquoi samedi soir? Puis je vais y aller avec un commentaire. Le samedi soir, c'est tout simplement, on veut amener de l'achalandage dans nos arénas, on veut amener des activités dans notre ville. Si on met ça le même soir que d'autres activités et qu'on se nuit un et l'autre, tu vas comprendre, il faut se donner une chance puis pour justement pas se nuire un et l'autre. Donc, le vendredi soir, depuis plusieurs années, il y a les matchs des Éperviers de Normandie. Okay. Donc, on voulait pas rentrer en conflit et en compétition, surtout, avec le hockey junior, qui est un hockey de très bon calibre également. Ah, mais moi, je vais te dire une affaire, Dave. Oui, c'est vrai, ce que tu dis. Par contre, le Canadien, samedi soir, très fort. À la télévision. Les gens, beaucoup de souper, beaucoup de party, tandis que le vendredi soir, les gens ont plus la tête au hockey. Ben, ça peut être un point de vue. Je partage ton point de vue. Je partage pas, je respecte ton point ouais. de vue. Par contre, le samedi soir, là, je suis pas inquiet, le monde va... c'est tranquille ici en ville, parce qu'il y avait rien à offrir. Une équipe donc les seniors avec une bonne équipe, parce que soit dit en passant, on va avoir une très bonne équipe sur la glace, là, supposément. On en parlait tout à l'heure. On va avoir un bon produit à offrir, donc le monde va sortir de chez eux et ils vont venir au hockey. OK. Pas mal convaincu. Moi, je suis pas d'accord, mais ça, je suis là-dedans, puis je suis là pour te poser ta question, puis c'est bien correct. Puis l'an prochain, oui. Si j'imagine que l'an prochain, ça peut arriver que vous, si jamais vous vous rendez compte, il peut y avoir des essais le vendredi soir, ça peut arriver quelque chose demain. Je ne vous ai pas fermé à ça complètement, j'imagine. Ben, en fait, les matchs vont être samedi soir prioritairement. Par contre, c'est pas impossible qu'il y en ait le vendredi soir non plus. Là. Okay. Ça va dépendre de la disponibilité des glaces. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de tournois ici. Des fois, ça va être pour accommoder une équipe de l'extérieur. Il y a rien d'impossible. La cédule n'est pas sortie encore officiellement. Okay. Mais oui, ça peut arriver qu'il y ait quelques matchs le vendredi soir. Comment ça va vous prendre maintenant de budget? Votre budget, vous avez dû calculer un budget. Puis comment ça va vous prendre d'assistance? Pour arriver break-even, ce qu'on pourrait... Pour ce qui est de l'assistance, on fait notre budget. Mis à part l'assistance, on essaie de boucler notre budget. Donc, l'assistance serait un surplus. Okay. On mise beaucoup sur les commanditaires. Je l'ai dit tout à l'heure, on a un commanditaire majeur de qualité, M. Jean Dumas. Et on en a d'autres aussi qui s'en viennent, là, qui vont être annoncés... bientôt. J'imagine que Martin Guillemette... j'imagine, regarde, t'as nommé plein d'hommes d'affaires, là. Donc, j'imagine qu'eux autres vont mettre la main dans les poches, là. Mel Bugeaud, Dave Girard, c'est des hommes d'affaires aussi, là. J'imagine qu'eux autres vont être là. Mais ça sera à eux de prendre la décision si... Mais j'imagine. Si ou pas. Ouais. Je m'avancerai pas pour eux. OK. Par contre, pour avoir... une assistance qui a de l'allure. On sait qu'il rentre 1200 personnes dans l'aréna à Dolbeau, je crois. Okay. À 600 personnes, 500-600, je pense qu'on va avoir une foule là, qui va être respectable. Si c'est plein, tant mieux. Ce qu'on veut, c'est d'offrir un produit de qualité justement pour attirer le plus de monde possible. Mais c'est ça, on va avoir les revenus de bord, les revenus de moitié-moitié. Point de vue budget, là, c'est pas inquiétant. Je suis pas mal sûr que l'équipe va être en santé. Personnellement, je trouve, Dave, que vous rêvez en couleur. Excusez-moi, là, le multi-concessionnaire à l'époque de Gion 3, c'était le calibre qu'on avait le plus gros. On avait 2 à 3. Si on avait 100 personnes d'un gradin, c'était bon. Et si, moi, je me dis, quand vous visez, peut-être visez plus 300 personnes, ça serait peut-être plus logique que 500, 600 puis 1000. Là. Moi, selon moi, là. Ben, peut-être. Ouais, peut-être. Selon moi. Mais ce que je te dis, c'est que c'est l'objectif qu'on peut se fixer. Si okay. c'est en dessous de notre chiffre, ben on verra. Okay. Ou on ajustera le tir pour peut-être attirer plus de monde. Mais je pense que ça peut être réaliste. OK. Maintenant... D'autant plus que ouais. Vous parliez tout à l'heure de Sylvain Bonneau, qui était propriétaire de l'équipe senior qui était à Robertval. Ouais. Je me souviens, pour avoir été dans l'entourage d'équipe, le monde de Dolbeau-Mistassini jalousait un petit peu l'équipe de Robertval okay. et l'aréna de Robertval qui était pleine à tous les matchs. Ouais. Il disait, ça serait le fun d'avoir une équipe comme ça à Dolbeau. Eh bien là, on va l'avoir, fait qu'on va attendre la réponse du public s'il en voulait vraiment une. Pourquoi Dolbeau, hein? Au départ, hein? Pourquoi Dolbeau au lieu de Saint-Félicien, Robertval? Parce que là, c'est tout le nord du lac. Pourquoi Dolbeau? Premièrement, ce que j'expliquais tout à l'heure, les deux joueurs okay. qui ont starté le projet, qui ont amené l'idée, c'est deux gars de Dolbeau. Mmh. Les personnes qui ont été approchées pour débuter le projet, c'est du monde de Dolbeau également. Okay. On a une belle aréna, sinon deux belles arénas. Ouais. Je vois pas pourquoi on le ferait pas à Dolbeau. Je pourrais te relancer la question, pourquoi on aurait fait ça ailleurs qu'à Dolbeau? Ouais. Je pense qu'on a des beaux infrastructures ici, des bons services. Ben, donc, il faut en profiter puis remplir nos arénas. Je te donne raison parce que moi-même, écoute, là, c'est public, je me lance en politique, puis mon thème principal, c'est les Jeux du Québec. Je veux emmener ça à Dolbeau-Mistassini, puis les gens me disent pas tout le comté, mais ça vient de l'idée vient de Dolbeau-Mistassini, elle vient pas d'ailleurs. Là. Donc, je te comprends parfaitement. Je te comprends parfaitement quand tu dis ça, mais il fallait que je propose. Et, temps passant, ouais. Tu me demandes pourquoi Dolbeau. Je tiens à remercier là, les gens de la ville, okay. M. Paul Morel, M. Richard Hébert, M. Frédéric Lemieux et M. Godbout, de leur collaboration. Là. C'est eux qui ont permis aussi là, qu'on puisse développer ce projet-là ici et que l'équipe soit à Dolbeau. OK. Maintenant, il y a une rumeur qui a circulé cette semaine. Je veux savoir si c'est vrai. Est-ce vrai qu'il y a un problème de joueurs à Dolbeau? Il y aurait peu de joueurs qui sont enclins à venir jouer. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Okay. On s'attend à avoir environ 40 joueurs au camp d'entraînement. Ah, c'est bon. Il faut savoir que l'équipe est à Dolbeau-Mistassini. Par contre, on a un grand territoire. Okay. Je parlais tout à l'heure de l'équipe qui a eu à Robertval. On avait les Sébastien Godette, Luc Simard, Alain Bouchard. Il y avait Sébastien Gaudreau. Plusieurs joueurs de Dolbeau allaient jouer à Robertval. On s'attend à ce qu'il y ait quelques joueurs aussi de Saint-Félicien, Robertval, ben oui. Qui sont mordus de hockey et qui veulent continuer, qui ont fini leur hockey mineur, okay. qui ont fini leur année junior, et en tant qu'athlètes veulent continuer dans le même sens, et on s'attend à ce qu'ils viennent jouer pour l'équipe de Dolbeau. Okay. Il y a aussi Allemands qui n'ont pas d'équipe. Donc, non, mais ça, ça fait pas partie du repêchage. Ils vont faire partie d'un repêchage. Oui, c'est ça, je parlais. Ils vont faire partie d'un repêchage. Et les 5 premiers choix de ce repêchage-là pour l'équipe d'Alma vont appartenir à Dolbeau. OK. Étant donné la proximité là, de... Là, maintenant, comment vous allez faire pour... On va en parler de ce repêchage-là, justement. Comment vous allez faire pour attirer des joueurs à Dolbeau, étant donné que les joueurs ne sont pas payés? Mettons que je suis de Chicoutimi, là, puis Dolbeau me repêche. C'est que vous allez faire avec ça? Ben, c'est important de savoir là, que les gens en place qui vont participer au repêchage, ils n'iront pas repêcher un joueur qui sont sûrs qu'il ne veut pas venir voir Dolbeau. Okay. Il va avoir là, il va y avoir un petit sondage qui va se faire au préalable. Okay. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus par amour du hockey que les jeunes vont... je dis que les jeunes, c'est les jeunes adultes, là, parce que c'est plus des flots. C'est par l'amour du hockey que les joueurs vont vouloir venir jouer dans l'équipe de Dolbo pour participer à cette ligue-là. Là. OK, OK. Dis-moi maintenant, est-ce que l'histoire du bagarreur... Regarde, on se contente pas d'histoire, Dave. Là. Les gens sont hypocrites. Là. Oui. Les gens sont hypocrites. Oui. On ne joue pas de bagarre, mais va dans les arénas quand il y a des bagarres, les gens sont debout. Donc, si tu veux attirer, est-ce que dans votre plan de match, vous allez axer sur des bagarres? Parce que, regarde... Ce que je sais que c'est discuté, là, parce que c'est bon, là, nous, on a essayé, au niveau de l'équipe, ouais. mais il y a également un comité qui s'occupe de la Ligue, qui chapeaute la Ligue. Il n'y aura pas, ce qui s'est parlé, il n'y aura pas de bagarreur en tant que tel, comme dans le temps du Seigneur. On peut même remarquer là une diminution de la tendance au niveau de la Ligue nord-américaine, là, bien marqué. Il y a de moins en moins de bagarreurs qui sont là seulement pour se battre et donner un spectacle. Oui. Par contre, ceci étant dit, oui. C'est pas impossible que dans le feu de l'action, c'est des adultes, c'est des gars qui sont faits forts, c'est une ligue qui va brasser physiquement. C'est pas impossible que certains règlent leur compte sur la glace dans le feu de l'action. Oui. Par contre, le règlement, je crois, va être fait là, en conséquence, c'est que si un bon joueur règle ses comptes sur la glace, il ne sera pas mis dehors du match, va avoir un 5 minutes pour bagarre. Okay. Et va pouvoir continuer par après là, son match. Okay. Et des bagarreurs, pour avoir de la bagarre et donner un spectacle, non, il n'y en aura pas, mais je vous dis que ça va quand même, Parce que jouer dur certains matchs. Si vous voulez, je le dis tout de suite, là, c'est un bon gars, là. Tu sais, les gens sont hypocrites quand ils disent ça, là. Mais ça me fait rire un peu. C'est comme les gens qui disent ah, j'aime pas du porno, puis je trouve ça sale, mais regarde les sites internet les plus fréquentés, c'est les sites porno. Fait que, c'est à peu près la même comparaison, là. hey Dave, le camp d'entraînement va s'ouvrir quand? Le camp d'entraînement est supposé commencer la fin de semaine du 15 et du 16 septembre. Donc, c'est bien. Oh, c'est la semaine prochaine. On invite là, les joueurs de 22 ans et plus à venir participer au camp d'entraînement. Okay. Et la saison va débuter le 13 octobre. Est-ce qu'il va y avoir des matchs pré-saison? C'est la question que je me pose. Là. Y a-t-il quelque chose de... Ben, c'est pas encore déterminé. Là. Okay. J'imagine qu'il va y avoir des pourparlers avec l'équipe la plus près, là, c'est Jonquière. Donc, il va sûrement avoir des pourparlers bientôt là, pour voir c'est les possibilités de match hors concours. Ben Dave, ça a fait pas mal le tour, hein. Je pense qu'à quelque part, il y a beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de questions. Tu voyais ça sur les médias sociaux, les gens. Regarde, moi, le seul commentaire que je vais faire là, okay, là-dessus, là, il y a beaucoup de monde qui dit c'est une ligue de gorille, ligue de broche à foin. Regarde, c'est la première année. La première année, on peut-tu essayer, là? La première année, les gens il va y avoir des essais-erreurs. Puis c'est normal. Implanter une ligue, c'est très difficile. Imagine-toi implanter une équipe aussi. Donc, il va y avoir des essais, il va y avoir des erreurs, mais c'est à compter de l'an. Mais j'imagine qu'au fil et à mesure de la saison, ça va être corrigé. Puis c'est l'an prochain, moi, je pense que les gens, ils vont pouvoir se fixer une opinion. L'important pour cette année, moi, je pense, c'est de démarrer les activités. Je sais pas si. Oui, bien, effectivement, là, autant au niveau de notre équipe qu'au niveau des autres équipes et de la ligue, tout le monde a la même idée, c'est de starter une ligue bien droite, qui va pouvoir perdurer et éventuellement s'ajouter d'autres équipes. Ben, regarde, on s'attend-tu pour dire que c'est une année d'expérience cette année? Moi, je l'ai dit à Bob Desjardins, j'ai dit, regarde, c'est une essai-erreur cette année. Et ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et l'an prochain, on se contrôle. C'est sûr. On se contrôle. On ira avec une vraie chose, mais au moins donner de la chance. Écoute, ça fait combien d'années que Martial Matin essaie de démarrer une ligue? Puis ça marche pas au moins. S'il y a quelqu'un qui est capable de démarrer une ligue au sein de l'extérieur, c'est Bob Desjardins. Moi, j'ai confiance. Fait que à partir de l'an prochain, on aura une vraie opinion. Là. Ben, à date, ça a l'air d'être très bien parti un peu partout. Là, ben, regarde, je fais le tour. Je sais pas si tu es au courant. Je sais pas si tu écoutes les entrevues, mais je fais le tour de la ligue actuellement. Il y a un engouement à Sacré-Cœur épouvantable. Jonquière, ça va bien aussi. Là, il me reste chez vous. Il me reste Dolbeau Mistassini, c'est la plus importante. C'est l'équipe que je vais suivre. Mais également, la semaine prochaine, je vais faire Charlevoix. Mais si la Ligue démarre bien, je pense que le plan de match sera d'ajouter Alma et une autre équipe l'an prochain. Ce sera ça, là. On est bien confiants. Ouais. Ben Dave, on va s'en reparler tout au fur et moi je veux parler à Gérald Leclerc la semaine prochaine pour avoir son opinion. Je le connais pas du tout, Gérald Leclerc. Moi, t'as le dit bien franchement, là, ça fait longtemps que j'entends parler de lui. Bon, ben on va t'organiser un petit entretien avec M. Leclerc, ça va nous faire plaisir. Ben merci beaucoup. Donc Dave Boulian, l'entraîneur-chef, pas l'entraîneur-chef, mais le porte-parole de la nouvelle équipe de Jean Dumas, multiconcessionnaire Lac-Saint-Jean.